Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème, et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Le rêve, une réalité, une série de Stéphane Bonnefoy réalisée par Anne Pérez. Au départ de cette série, il y a nos nuits qui nous échappent et notre inconscient qui s'emballe. Il y a cette fois où je montais un escalier roulant qui n'avait pas de fin et cette bande surréaliste qui a fait du rêve un manifeste artistique. Alors pour commencer, les personnages. Une chercheuse qui retrace une aventure, une biographe de Desnos, une universitaire qui compte les points, Blaise Sandrars et Raymond Radiguet attablés avec Robert Desnos. Ensuite, le décor. La voix de Tsara, des textes oniriques, la voix d'André Breton, un dîner, des nouvelles voies d'écriture, des rivalités assassines, des séances médiumiques, Crevel, des dessins, du somnambulisme et des déceptions. Aujourd'hui, 3e épisode, on se récite un poème. Dormir, dormir. Les sommes nocturnes révèlent la somme des mystères des hommes. Je vous somme sommeil de m'étonner. Et de tonner. Pour moi, le rêve est une des formes du penser, un mode du penser. Tristan Tzara. C'est-à-dire qu'il me semble, dans chaque individu, coexiste deux modes de penser. C'est le penser dirigé, le penser qui est dirigé vers un but donné, qui est par conséquent logique, qui est cohérent, et une autre forme du penser qui est une forme statique du penser, non dirigée, une sorte de juxtaposition par plaque d'image, et la forme extrême est celui du rêve. Ce penser non dirigé est une forme archaïque du penser, elle a existé très probablement chez les peuples primitifs. C'est encore une des survivances de ce penser non dirigé primitif qui existe chez l'homme moderne. Robert Desnos, l'écriture sous hypnose. Toutes les images sorties d'un rêve sont matière à poésie. Et il s'en sert dans un dessin, il s'en sert dans un poème, il peut s'en servir dans un récit poétique, comme Deuil pour deuil ou L'amour ou la liberté. Ce ne sont que des images de rêve transposées dans un monde où tout peut être à l'endroit et à l'envers, tout se métamorphoser toujours. Ça lui permet une production d'images beaucoup plus importante que juste... Rester assis à une table à écrire, là il a une porte ouverte sur un imaginaire qui est deux fois plus puissant. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez. Mes sommeils sont devenus plus lourds, plus profonds, plus épais. Au réveil, j'ai non pas le souvenir des rêves que j'ai faits, mais le souvenir que j'ai rêvé, sans pouvoir les préciser. Si je tente de les retrouver dans ma mémoire, je me heurte à d'épaisses ténèbres dans lesquelles des ombres imprécises font de grands gestes vagues. Les apparitions se reproduisent chaque nuit avec exactitude. Je prends soin désormais de ne plus fermer la porte à clé, de ne plus embarrasser le fauteuil et de rapprocher celui-ci de mon lit. Il est prêt à aller aussi loin que possible. Il fonce tête baissée dans toutes les voies du merveilleux, c'est ce que dit Breton. Mais ce côté tête baissée et de fonceur, c'est quelque chose qui le caractérise, mais qui met ses camarades un peu sur la réserve. D'abord, est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il ne fait pas de la mystification? Certains disent, oui, après Desnos m'a dit, oui, je m'amusais, j'ai poussé le bouchon le plus loin possible. Ce qui n'est pas exclu. Alors, madame Dominique de Santi, vous souvenez-vous de votre première rencontre avec Robert Desnos? Ah, très bien. À ce moment-là, je gagnais un peu d'argent en faisant des traductions pour une agence photographique liée au groupe Paris Soir. Et un jour, dans le groupe de journalistes qui venaient choisir des photos, il y avait un homme dont je ne voyais que les hublots. Il avait vraiment des hublots devant les yeux, ça me fascinait. Et on m'a dit, c'est Robert Desnos. Aragon, Breton, Vitrac et moi habitons une maison miraculeuse au bord d'une voie ferrée. Le matin, sur la pointe des pieds, l'escalier assourdi de tapis tricolores pour ne pas réveiller Madame Breton qui dort encore. C'est curieux comme les locomotives hurlantes crient dans mon poignet temporal. Perret m'attend en bas. Nous nous en allons alors dans une île déserte. J'ai raconté dans un texte intitulé « Entrée des médiums » repris dans mon ouvrage « Les pas perdus » André Breton. Comment, à la fin de l'année 1922, sur l'initiative de René Crevel, nous avons été amenés, au cours d'une soirée qui nous réunissait comme bien d'autres dans mon atelier, à solliciter certaines manifestations verbales ou écrites dans le cadre du sommeil hypnotique, dans les conditions d'obscurité et de silence requises en pareil cas, ce sera Robert Desnos qui imprimera durablement sa marque à cette forme d'activité. Il s'y donnera en effet éperdument, y apportant un goût romantique du naufrage que traduit le titre d'un de ses premiers recueils, Corps et bien. Nul comme lui n'aura foncé tête baissée dans toutes les voies du merveilleux. Est-ce un voyage que Breton doit faire? Oui. Sera-ce un voyage d'affaires? Il fait nom de la main, écrit Nazimova. Sa femme l'accompagnera-t-elle dans ce voyage? Ira-t-il retrouver Nazimova? Non. Sera-t-il avec Nazimova? Que sais-tu encore de Breton? Parle. Le bateau et la neige. Il y a aussi la jolie tour télégraphe. Je retire ma main et lui arpose la sienne à la place. Perret lui donne rendez-vous. Marie-Paul Béranger. Le jour de la rencontre, au café, et il pose un lapin à Desnos. Mais sur le moment, il le prend très mal et il décide, avec un culot qui le caractérise assez souvent, on le voit comme un rêveur aux yeux perdus dans le vague, et en fait, c'est un homme actif, énergique, de décision et de provocation, assez souvent. Et donc il décide, puisque Perret n'est pas venu au rendez-vous, d'aller lui-même, tout seul, au Certa. Il s'assoit à une table un peu à distance, hein, c'est du moins son récit que je rapporte. Et il voit le groupe se constituer autour de Breton, et il y a là Sandrard, qui a été invité avec Radiguet parce qu'il est pressenti pour donner des textes dans littérature. Il fait signe à Perret, qui, un peu gêné, lui fait signe d'approcher et le présente. Et le récit de Desnos est le récit d'une sorte de fiasco amoureux. Toute cette discussion se passe devant ses yeux éberlués. Il est silencieux, il est dans le malaise. Il trouve que Sandrard, à côté de lui, agite beaucoup trop son moignon. Que Radiguet, avec son monocle, n'est pas quelqu'un qui lui revient extrêmement. Et ensuite, ils vont tous dîner. Et tout ce que Desnos trouve à dire, du moins c'est ce qu'il rapporte, c'est évidemment, à tout ce que Breton lui dit pour tenter de le faire parler un peu, évidemment. Et c'est quand même une première expérience négative. Que voyez-vous de l'eau? De quelle couleur est cette eau? Même réponse. Ton de l'évidence. Il se lève précipitamment sans y être invité, se jette à plat ventre sur la table et fait le simulacre de nager. On met fin au sommeil de Desnos, réveillant sursaut précédé de gestes violents, Éluard, Ernst, Maurice et moi, qui, en dépit de toute notre bonne volonté, ne nous sommes pas endormis. Perret s'endort et je m'en vais. Aux fortifications, les douaniers ricanent quand je passe et me demandent mon permis de conduire. Je suis à pied. Des sourires mielleux et de grossières insultes. Je me sauve, mais ils restent sur le pas de la porte à remuer les bras et agiter leurs casquettes. Il faudra attendre qu'ils reviennent du Maroc pour, en 1922, rejoindre vraiment le groupe et davantage montrer qui il est. Et puis ils découvrent des hommes qui ont vécu la guerre, qui sont un petit peu plus âgés que lui, enfin ils ont toujours une vingtaine et quelques années. Et... il est très admiratif parce qu'il est à la fois, il fait pas du tout partie de ce monde-là, il a pas l'expérience intellectuelle des autres, il a pas fait médecine comme d'autres l'ont fait, enfin, il est tout genou. Et à la fois, il est fasciné, à la fois, il veut faire sa place, très vite. Desnos, entre tous, quand il offrit de se joindre à nous, m'apparut comme l'homme de la situation. André Breton. Il avait alors 22 ans, j'en avais 26. De lui se dégageait une grande puissance de refus et d'attaque. En dissonance frappante avec le regard étrangement lointain, l'œil d'un bleu clair très voilé, de dormeur éveillé s'il en fut. Un peu à la manière de Petrus Borel, qu'il adorait, il est de ceux qui ont le plus contribué à donner au surréalisme son allure frénétique. Il n'y a personne dans Paris, plus personne, sauf une vieille épicière morte dont le visage tremble dans un plein compotier de sourires à la crème. Les horloges sonnent ensemble des heures différentes. Je rentre à la maison. Les portraits de Vitrac, de Monsieur et Madame Breton et d'Aragon sont cloués aux marches de l'escalier. Dans la chambre de Monsieur et Madame Breton, il y a une inscription effrayante à la craie. Numérotez vos abatis. Je rentre. Il y a la tête de Benjamin Perret dans la glace. Je cours vers l'île déserte. Une éruption volcanique l'a détruite. Perret est sur un petit moule et me fait des signes. Et il lui pousse une barbe immense dans laquelle je m'embarrasse en essuyant mes pieds. Il livre sous le titre « Pénalité de l'enfer » Marie-Claire Dumas. Des récits qui sont à peu près comme des paroles en analyse du point de vue psychanalytique, c'est-à-dire où tout passe, où il laisse tout passer, il est probablement même, il en rajoute, mais en tout cas où ses fantasmes se laissent très bien deviner. Donc il l'a déjà écrit, évidemment, mais il n'est pas encore reconnu comme le sont ceux du premier noyau, celui qui est le noyau des fondateurs, le trio Aragon, Breton, Soupeau. Et il est devant, je dirais, des pointures. Breton a quand même des recueils, il y a eu les champs magnétiques, Aragon, n'en parlons pas, il y a sa verve éblouissante, il y a déjà des publications. Il doit faire ses preuves. Il y a là des gens qui étaient là avant lui, qui ont traversé l'expérience de Dada, et c'est quelque chose qu'il regrette de ne pas avoir connu, et il exprime ce regret à plusieurs reprises. Je suis transformée en chiffre. Je tombe dans un puits qui est en même temps une feuille de papier. En passant d'une équation à une autre avec le désespoir de m'éloigner de plus en plus de la lumière du jour. Tomber en chiffres, c'est sûrement un cauchemar pour lui. En tout cas, c'est abandonner le domaine des chiffres que son père voulait lui imposer. En 1916, il vient de passer son brevet et il ne fera pas d'études au-delà. Et c'est un brevet classique, pas le brevet commercial que son père aurait voulu, si le petit Robert avait accepté de prendre le relais de son père comme commerçant. Donc, dès 14 ans, il a déclaré « Je veux être poète ». Rêve de Robert Desnos, août 1922. Je suis couchée et me vois telle que je suis en réalité. André Breton entre dans ma chambre, le journal officiel à la main. « Cher ami, me dit-il, j'ai le plaisir de vous annoncer votre promotion au grade de sergent-major. » Puis il fait demi-tour et s'en va. Je ne garantirai pas que chaque membre du surréalisme a depuis toujours noté ses rêves, mais beaucoup d'entre eux ont commencé à noter leurs rêves avant de se rencontrer les uns les autres. Les rêves auxquels je pense me semblent des rêves notés dans ses carnets de 1900-1921. Ils sont en général faits de notations assez brèves, ils sont courts, beaucoup moins développés que ceux que l'on verra quand l'activité onirique s'intensifie dans le surréalisme. Parce que plus on prête attention aux rêves et plus on a le sentiment de rêver, en fait, simplement mieux on se souvient de ses rêves. Et ce sont peut-être les sommeils hypnotiques qui vont donner l'idée de faire une rubrique spécifique pour le rêve beaucoup plus tard et de poursuivre les investigations sur le rêve d'une façon plus systématique et plus méthodique. Nous estimions, et pour ma part j'estime encore, que si l'on voulait soustraire ces mondes d'expression à la sclérose de plus en plus menaçante, rendre le verbe humain à son innocence et à sa vertu créatrice originelle, il était indispensable de couper les entraves qui le rendaient incapable de tout nouvel essor. Quelles sont donc ces entraves que vous vouliez briser ? Ces entraves étaient de l'ordre de la logique. Le rationalisme le plus étroit veillait à ne rien laisser passer qui n'eût été estampillé par ses soins. De l'ordre de la morale, sous forme de tabous sexuels et sociaux. De l'ordre enfin du goût, régi par les conventions sophistiques du bon ton, peut-être les pires de toutes. Ce prétendu sens critique dont, bon gré mal gré, nous avions hérité comme les autres, nous constations que son rôle à notre époque était de freiner toute spéculation intellectuelle de quelque envergure. Sans doute, mais qu'opposiez-vous donc à ce sens critique ? Mais l'appétit de merveilleux, tel qu'il n'est pas impossible de le raviver au souvenir de l'enfance. Je jouais seul. Mes 6 ans vivaient en rêve. L'imagination nourrie de catastrophes maritimes, je naviguais sur de beaux navires vers des pays ravissants. Les lames du parquet imitaient à s'y méprendre les vagues tumultueuses, et je transformais à mon gré la commode en continent et les chaises en îles désertes. Traversée hasardeuse. Tantôt le vengeur s'enfonçait sous mes pieds, tantôt la méduse coulait à fond dans une mer de chênes encaustiqués. Je nageais alors à force de bras vers la plage du tapis. C'est ainsi que j'éprouvais un jour la première émotion sensuelle. Je l'identifiais instinctivement aux affres de la mort et dès lors, à chaque voyage, je convins de mourir noyé dans un océan vague où le souvenir des vers d'Océanonox, oh combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux vers des rives lointaines, lus par hasard dans un livre dérobé, se mêlaient à l'épuisante volupté. L'éléphant qui n'a qu'une patte disait un jour à Ponce Pilate: vous êtes bien heureux de laver vos 2 mains. Ça doit vous consoler d'être consul romain. Il va être très vite pressenti comme celui qui peut relancer un automatisme qui est en train de s'épuiser, puisque 2 ans se sont passés depuis la publication des champs magnétiques, et Breton le dira en particulier dans les entretiens plus tard, mais Breton constate que tous les amis du groupe surréaliste sont en train de s'épuiser en querelles internes et que rien de nouveau finalement n'est apparu depuis les champs magnétiques, et que lui-même doute et se demande si peut-être la veine de l'automatisme s'est rompue. Et il lui semble qu'il faut trouver d'autres voies pour peut-être laisser parler la voix intérieure, suspendre les contrôles et les censures. Donc en somme, d'autres protocoles, d'autres, je n'ose pas dire méthodes, c'est un mot que les surréalistes n'aiment pas, mais on peut considérer aussi que c'est de cela qu'il s'agit. Et donc les sommeils viennent, et le sommeil sous hypnose, le sommeil un peu artificiel, viennent proposer de nouveaux protocoles. Et Desnos viendra brusquement, avec éclat, le convaincre qu'il existe d'autres façons de susciter l'automatisme et que peut-être on va de nouveau avoir accès à ce filon qu'il imagine à l'époque être celui de l'inconscient. Ce devait être en effet une aventure merveilleuse que de participer à ces séances où une poésie nouvelle prenait source. En tout cas, nous l'avons vécu dans l'exaltation. Tous ceux qui ont assisté aux plongées journalières de Desnos dans ce qui était vraiment l'inconnu ont été emportés dans une sorte de vertige. Tous ont été suspendus à ce qu'ils pouvaient dire, à ce qu'ils pouvaient tracer fébrilement sur le papier. Ce en quoi ce prodige a surtout consisté, c'est dans le pouvoir qu'a montré Desnos de se transporter à volonté, instantanément, des médiocrités de la vie courante en pleine zone d'illumination et d'effusion poétique. J'ai d'ailleurs la bonté de prévenir le lecteur que je mêle le rêve et la réalité, le désir et la possession, le futur et le passé, qu'il se le tienne pour dit. Il répond aux attentes du groupe qui se pose des questions: comment rénover la littérature, comment passer par-dessus l'ancienne littérature. À chaque question posée, Desnos répond: présent. Je fais de l'écriture automatique, c'est pénalité de l'enfer. Les rêves, bien sûr, moi je rêve, et je peux vous faire des récits. Et puis d'ailleurs, l'étape d'après, ce sont les sommeils hypnotiques. Et ben, je vais tout vous dire, ou pas tout, mais en tout cas, je vais me lancer dans la parole du sommeil hypnotique, dans du récit, donc, de cette espèce d'endormissement étrange. Cette idée des sommeils part de René Crevel, parce que René Crevel, en 1922, fait des séances médiumniques avec une femme médium, qui a décelé chez lui une sorte de don, de propension pour ses séances, et qui en fait essaie de lui donner des clés pour développer ses aptitudes. Et Crevel raconte ses séances aux surréalistes à la Closerie des Lilas. Bon, visiblement, ils ne sont pas forcément emballés au départ, et il y a même un certain scepticisme de la part de Desnos. Mais toujours est-il que les séances vont partir de cet élément, de cette étincelle. Donc on n'est pas placé dans l'idée d'écriture, de racontage initialement, mais vraiment dans l'idée de trouver une voix qui permette de trouver quelque chose de plus satisfaisant. Ce qu'il s'agit d'atteindre et d'explorer n'est autre chose que ce qu'on appelle les états seconds. Ce qui nous a passionnément intéressés en eux, c'est la possibilité qu'ils nous donnaient d'échapper aux contraintes qui pèsent sur la pensée surveillée. C'est l'assujettissement aux perceptions sensorielles immédiates qui, dans une grande mesure, fait de l'esprit le jouet du monde extérieur. Je veux dire que il faut en effet que l'esprit ait réussi à se placer dans des conditions de détachement par rapport aux sollicitations du monde extérieur. Il me paraît incomparablement plus simple de satisfaire aux exigences de la pensée réfléchie que de mettre en disponibilité totale cette pensée de manière à ne plus avoir d'oreille que pour ce que dit la bouche d'ombre. Le lundi 25 septembre, à 9h du soir, en présence de Desnos, Maurice et moi, Crevel entre dans le sommeil hypnotique et prononce une sorte de plaidoyer ou de réquisitoire dont il n'a pas été pris note. Diction déclamatoire entrecoupée de soupirs, allant parfois jusqu'au chant, débit dramatique. Il est question d'une femme accusée d'avoir tué son mari. Au réveil, Crevel ne garde aucun souvenir de son récit. Crevel ne tarde pas, en effet, à heurter de la tête le bois de la table et presque aussitôt se lance dans une longue improvisation parlée. Le sujet de cette improvisation, traité d'une manière décousue, est de l'ordre du fait divers, volubilité extrême, toute espèce d'hésitation exclue. Le contenu émotif doit être considérable si l'on s'en rapporte aux signes d'agitation qui sont donnés. Diction irrationnelle, alternant sans motif appréciable le déclamatoire et le psalmodier. Quel dommage que cela n'ait pu être enregistré. Ensuite vient le tour de Benjamin Perret, qui n'a pas laissé lui non plus un souvenir impérissable. Perret, qui s'endort au cours d'une des séances suivantes et tient des propos d'un caractère plutôt jovial, dont le prétexte et le ton s'apparentent à ceux de ses contes. Et c'est vraiment quand Desnos commence et que l'intérêt pour ces séances va débuter, il arrive à se plonger dans cet état de semi-sommeil avec une grande facilité, avec une grande aisance qui subjugue les autres surréalistes présents. Et puis, il est très prolixe, il parle beaucoup. Et c'est vraiment à partir de là que tout s'enclenche. Je pense en particulier à ces jeux de mots d'un type lyrique tout à fait inédit qu'il fut longtemps en mesure de faire se succéder à un rythme tenant du prodige. Desnos laisse tomber la tête sur son bras, se met à gratter convulsivement sur la table. Il se réveille de lui-même, persuadé de ne pas s'être comporté autrement que nous. Crevel, nous ayant dit que l'action de gratter la table pouvait témoigner du désir d'écrire, il est convenu que la fois suivante, on placera un crayon dans une main de Desnos et une feuille de papier devant lui. On va mettre entre les mains de Desnos un crayon et une feuille. Cette fois-ci sont présents Paul Éluard, Benjamin Perret, Max Ernst également. Et il a dessiné des signes, des croix par exemple. Il a dessiné également une femme pendue au bord d'un chemin. Et puis il a également un peu écrit. Il a écrit 14 juillet. Et puis il a écrit un début de phrase qui est « Près de la fougère s'en vont deux ». Et en fait, la fin de la phrase a échoué sur la table, s'est noyée sur la table. Et Desnos livre tellement de choses que les éveillés, donc en l'occurrence là, Éluard, Perret et Ernst, décident de lui poser des questions, décident de le questionner. Que voyez-vous ? la mort. Il dessine une femme pendue au bord d'un chemin. Celle qui est la plus troublante, c'est celle de Desnos, parce qu'en fait, Desnos envisage sa propre mort. Et ce dessin est extrêmement troublant, extrêmement émouvant, parce qu'en fait, on a des rails extrêmement longues qui conduisent vers une petite demeure qui est vraisemblablement la demeure de fin de vie de Desnos. Et quand on sait que Robert Desnos est mort en camp de concentration le 8 juin 1945, il y a évidemment quelque chose de prophétique qui est assez dérangeant. Dans un cœur, il écrit « Sigi Robert Desnos » et avec ses rails qui le conduisent vers la mort. Alors, celui-ci qui date du 2 novembre 1922, donc il y a quand même un des premiers dessins, on retrouve un certain nombre d'éléments. On retrouve beaucoup, en fait, de sexe masculin qui se dirigent comme des flèches vers un corps de femme qui, en fait, est amputé, puisque sur la partie supérieure, il est tranché au niveau de la poitrine. Et puis, on ne voit pas les pieds en bas des jambes. Mais par contre, il y a une sorte de cible à la place du sexe féminin. Et ces sexes masculins se dirigent comme des flèches vers cette cible. Et on retrouve d'autres sexes masculins un petit peu partout, avec un autre morceau de corps, avec un autre sexe. On trouve également des mains, mais c'est un des dessins, évidemment, et sans doute le dessin le plus sexuel de ces séances. Ce que vient évidemment conforter le texte, puisque il n'y a que cet impératif sus en majuscule qui est écrit sur la partie basse. Et en fait, ces corps et ces sexes semblent disposés sur un cercle qui semble représenter la Terre, vraisemblablement. Sur la partie haute, à gauche, sont dessinées deux étoiles. C'est un mouvement de la main qui paraît incontrôlé. Ce sont des mots qui s'esquissent et qui se terminent en dehors de la feuille. Donc, il peut tout de même dessiner, multiplier les graphismes et surtout répondre par des proférations étonnantes à toutes les questions que tour à tour chacun lui pose. Et c'est aussi une merveille poétique qui de temps en temps peut surgir au milieu de silences, de grognements qui se traduisent souvent dans les comptes rendus des uns et des autres par des points d'interrogation. Que sais-tu de Perret ? Il mourra dans un wagon plein de gens. Est-ce qu'il sera assassiné? Oui. Par qui? Par un animal. Par quel animal? Un ruban bleu, ma douce vagabonde. Il y avait là, Georges Neveu, dans cette maison, une immense cour, une véritable cour de ferme, avec des chiens, des enfants, des chevaux, un abreuvoir. Et au fond de cette cour, à droite, trois petites cages vitrées qu'on appelait pompeusement les ateliers. Miro et André Masson avaient logé là. La petite cage du fond, celle de Desnos, on avait souvent du mal à en pousser la porte. Elle était pleine d'une cargaison d'objets bizarres venus d'on ne sait où. Et on sortait de là avec l'impression d'avoir traversé un univers irréel, quelque chose comme la matérialisation d'un rêve nocturne. L'idée des tables tournantes du côté de Victor Hugo et autres, c'était qu'on interrogeait l'au-delà des gens qui avaient existé précédemment. Donc ça, les surréalistes disaient, nous ne faisons pas ça. Mais Desnos, on l'orientait vers la prédiction, évidemment. Breton allait voir une voyante, Madame Sacco et d'autres. Donc est-ce que, en plongeant profondément en soi, on ne va pas être un devin pour l'avenir? Et ce qui était intéressant, c'était que dans les trois dormeurs les plus importants, chacun avait son univers qu'il faisait ressortir. Crevel, c'était très noir. Perret, c'était beaucoup plus drôle, beaucoup plus léger. Et les Desnos, ça allait de la joie à la mort en passant par la prophétie. Et Desnos répondait toujours très volontiers. Et généralement, suivant ses humeurs et suivant les gens qui lui demandaient, avec plus ou moins de gentillesse. La main d'Ernst remplace celle de Perret. C'est Ernst qui te donne la main. Tu le connais? Qui? Max. Ernst. Oui. Vivra-t-il longtemps? 51 ans. Que fera-t-il ? Il jouera avec les fous. Sera-t-il heureux avec ses fous ? L'humour est toujours aussi très présent. Desnos cherche toujours à dynamiter un peu à la fois le langage, les poussées langagiers, etc. Et on a par exemple sur un dessin que nous avons devant les yeux, le terme « aliéné », mais qui en fait est scindé en deux. Ce n'est pas « aliéné » que Desnos a écrit, il a écrit « allié » et plus loin, il a écrit « né », N-E-Z. Donc là, il y a un jeu sur l'homophonie. Donc il y a aussi cette idée de surgissement, ça et là, comme un rêve, hein, je veux dire, un rêve est dans le caractère décousu. Jugés sur des éléphants, les fantômes femelles inscrivent au ciel l'oméga mystérieux égal des équations planétaires. C'est quand même entre la fin septembre et le mois de décembre, et d'ailleurs pendant une grande partie de ces séances, Breton est absent. Il est parti début novembre à Barcelone avec Picabia et il va donner en 1922, là-bas, une conférence. Dans cette conférence, alors qu'il est loin du champ de l'expérience, il va expliquer à quel point cette très récente découverte que viennent de faire Desnos, Crevel et Perret donne raison à tout ce qu'il est en train d'expliquer et à tout ce qu'il était en train d'élaborer avec ses amis surréalistes de Paris. Donc, vraiment, c'est sur le vif que se produit l'élaboration, mais c'est intéressant de voir que Breton la pense à distance et que l'expérience continue sans lui, à l'intérieur du groupe. Sans pâlir, Desnos, ça fait mourir sur son pâle bien des désirs. Oh, mon crâne étoile de nacre qui s'étiole! Les lois de nos désirs sont des dés sans loisirs. Très souvent, il y a de ces jaillissements étonnants, de paroles automatiques qui ont l'air d'être les meilleurs moments de l'automatisme, comme celui qu'on rencontrait dans les champs magnétiques. Ce sont des expressions extrêmement condensées, nominales, syncrétiques, étranges, qui produisent la stupéfaction, la sidération de ceux qui l'écoutent. Donc il y a cette domination de l'exercice, je dirais, avec bien sûr tous les guillemets qu'il faut à exercice. Chez Desnos, souvent, le niveau sexuel affleure très directement dans le contenu manifeste, si j'ose dire, de la phrase, mais recèle d'autres significations qui peuvent être très poétiques et très belles, et parfois des propositions qui sont des définitions du rêve, ou des définitions qui sont de véritables portraits psychiques des amis. Et puis, il peut y avoir un troisième niveau qui va être métapoétique, qui nous renseigne sur ce que Desnos attend de l'automatisme, la façon dont il écoute sa propre voix, dont il entend user de la profération, et la façon dont on est par là reporté aux origines de la langue. Comment prendre un mot pour un autre peut brusquement réactiver une métaphore dans un cliché usé? Comment, par ces moyens de paire minimale de mots mis en rapport proportionnel, on peut faire jaillir des vérités enfouies, faire dire aux proverbes des choses qui restent implicites dans la sagesse des nations, mais que la poésie va brusquement découvrir, j'allais dire, en sommeil dans la langue, et attendant qu'on les découvre, qu'on les fasse surgir par ces manipulations du langage. Et puis, il va y avoir des séances dangereuses dans le sens où, par exemple, une fois dans la maison de Paul Éluard, à Saint-Brice-sous-Forêt, Desnos va se saisir d'un couteau et va vouloir poignarder Éluard. Et c'est là que Breton intervient et essaie de réveiller Desnos avec beaucoup de difficultés. Breton sait par formation médicale personnelle que c'est un domaine dangereux, limite. Il a bien vu tous ces gars qui, pendant la guerre de 14-18, ont été complètement réduits à la folie par une expérience trop violente. Et il redoute qu'un type comme Desnos, qui fonce tête baissée, se mette lui-même en danger et les autres en danger. C'est donc un domaine dangereux et Breton a préféré se tenir en deçà d'un passage à l'acte qu'il a redouté. Les sommeils développaient chez certains des sujets endormis une activité impulsive de laquelle on pouvait craindre le pire. Je me souviens en particulier d'une séance groupant une trentaine d'invités chez une amie de Picabia, Madame de Lahire. Quoi qu'on eût fait pour l'éviter, une dizaine de personnes, hommes et femmes, qui étaient loin de se connaître toutes, s'étaient endormies à la fois, comme elles allaient et venaient. Vers 2 heures du matin, m'inquiétant de la disparition de plusieurs d'entre elles, je finis par les découvrir dans l'antichambre presque obscure où, comme d'un commun accord et bien munis de la corde nécessaire, ils essayaient de se pendre au porte-manteau. Crevel, qui était du nombre, semblait les y avoir décidés. Il fallut les réveiller sans grand ménagement. Une autre fois, après un dîner chez Éluard dans la banlieue de Paris, nous dûmes à plusieurs maîtriser Desnos endormi qui, brandissant un couteau, poursuivait Éluard dans le jardin. Comme on peut le voir, les idées de suicide qui existaient à l'état latent chez Crevel, la sourde haine qu'entretenait Desnos contre Éluard, prenait dans ces conditions un tour actif extrêmement critique. En outre, il me devenait de plus en plus difficile de le réveiller en usant des passes habituelles. Une nuit que je n'y parvenais décidément pas et que son exaltation était à son comble, je dus m'échapper pour aller quérir un médecin. Desnos l'accueillit par des insultes, mais néanmoins s'éveilla avant qu'il eût à intervenir. Cet incident et l'aggravation de mes craintes au sujet de ce qui pouvait menacer l'équilibre mental de Desnos me déterminèrent à prendre toute mesure pour que plus rien de tel ne se produisît. Mais nos relations en furent profondément affectées. Je crois que pour lui, c'est une rupture. C'est la première rupture avant 1929. Et c'est la première fois où ils se sont un peu lésés. Il pense avoir déplu à Breton, donc il perd de sa superbe. Et à la fois, il doit le digérer, il doit essayer de trouver aussi une autre voie. Mais là, ils n'ont plus jamais été aussi proches qu'à ce moment-là. Lettre à André Breton, Paris, le 4 avril 1923. Votre compagnie a pu un instant me rassurer. Malheureusement, le charme est rompu, et si mon affection pour vous est toujours aussi vive, j'ai conscience parfaite de ne plus tenir chez vous cette place de curiosité qui, sans que je me l'avoue, était une de mes raisons d'existence. Je ne connais personne au monde à qui adresser mon amitié. Je me contenterai de faire l'amour avec désespoir, et si par hasard nous nous rencontrons, soyez certain que j'attendrai que vous me reconnaissiez. Peut-être un jour, si les temps le veulent, trouverons-nous les barricades à notre taille. J'ai bien peur de mourir sans cela, mon cher, cher ami. Mais même à ce moment où Desnos est ulcéré, se révolte et où la distance s'installe, Breton prend la peine dans le manifeste de rappeler que Desnos est au centre de ce château dont la moitié n'est pas forcément en ruine, où il place tous ses amis surréalistes. Breton ne va pas perdre une occasion d'écriture, de prise de parole, que ce soit dans le manifeste ou encore dans Nadja en 1927, pour souligner le rôle essentiel prophétique, comme on l'a rappelé, de Desnos. Il le fait encore dans Nadja. Il dit qu'il n'a pas vu son crayon posé sur le papier sans la moindre hésitation et avec une rapidité prodigieuse ses étonnantes équations poétiques, là il s'agit d'érosser la vie, et n'a pu s'assurer comme moi qu'elles ne pouvaient avoir été préparées de plus longue main, même s'il est capable d'apprécier leur perfection technique et de juger du merveilleux coup d'aile, ne peut se faire une idée de tout ce que cela engageait alors, de la valeur absolue d'oracle que cela prenait. Desnos m'a donné, pour plus tard avec lui, avec quelqu'un d'autre ou avec moi-même, de mystérieux rendez-vous, les yeux fermés. Et ensuite, évidemment, tout de suite, la machine à penser se met en branle chez Breton, qui est attiré par la philosophie, par la théorie, et qui a besoin d'élaborer cette expérience au-delà du bénéfice de poésie. Qu'y a-t-il qui entre en jeu et qu'on puisse essayer de théoriser pour aller plus loin et qui mettent véritablement sur la piste de l'activité psychique, celle que finalement nous interdit la conscience, le contrôle de la raison. Donc il y voit dans cette expérience une nouvelle preuve que ces intuitions se vérifient et que lorsqu'on réussit à lever les contrôles, on a accès à un fond inexploré et peut-être à ce surréel auquel d'autres, comme René Char, donneront un autre nom, le grand réel, mais un réel plus vaste et qui ne soit pas limité par les frontières de ce qu'on s'autorise à penser dans l'activité diurne de l'esprit. Est-ce que la caresse des putains excuse la paresse des cutins ? Rose Selavi a découvert que la particule des nobles n'est pas la partie noble du cul. 22-23 chez Desnos, c'est une période où il ose absolument tout ce qu'il peut oser du côté de l'expression, du langage, du comportement. La télépathie avec Marcel Duchamp étant aux États-Unis à ce moment-là, est une manière de reprendre, si vous voulez, je crois alors à ce moment-là, de manière un peu mystifiante hein, quand même, un rapport à Duchamp qui exerce sur Breton un ascendant très fort. Mais surtout, ce que Desnos pointe à ce moment-là, par exemple, les rêves dans littérature, en dessous, qu'est-ce que vous avez ? Un Rose c'est la vie, évidemment, qui est de Duchamp. Rose c'est la vie étant le personnage inventé par Duchamp. Il entend que Duchamp a le sens du glissement verbal, du jeu verbal. Lui aussi, il l'a. Donc, il va greffer, lui, ses propres jeux verbaux, en les arrimant quelque part à Marcel Duchamp, comme finalement, pénalité de l'enfer, hein, l'écriture automatique, il greffait ça sur l'exemple de Breton sous peau. Il a cette modestie, je dirais, de dire, je n'invente pas tout, je suis dans la filière, mais j'apporte ma propre expérience. Au pays de Rose, c'est la vie, on aime les fous et les loups, sans foi ni loi. Dans le sommeil de Rose, c'est la vie, il y a un nain sorti d'un puits qui vient manger son pain la nuit. Apprenez que la geste célèbre de Rose, c'est la vie, est inscrite dans l'algèbre céleste. Et Breton est tout de suite conscient de la continuité des enjeux entre les proférations des sommeils hypnotiques, même si elles sont différentes, et ces jeux de mots. Et donc il s'agit bien de congédier la littérature par le jeu de la langue saisi, j'allais dire, comme s'il se mettait à fonctionner tout seul en dehors du sujet. Et donc ces jeux d'Eros et la vie vont être examinés par Breton dans les mots sans rides, dans un très beau texte où il constate qu'on est même au-delà du jeu de mots, puisqu'il termine en conclusion sur ces termes, « Les mots ont fini de jouer ». Les mots font l'amour. Et il y voit la mise en œuvre d'une poétique de l'amour. Effectivement, la mécanique verbale d'Eros et la vie, quand on l'examine de très près, est une mécanique que les linguistes diraient performative. C'est-à-dire que les verbes qui sont souvent soit le verbe être, soit des verbes d'énonciation, placés au centre de l'aphorisme, servent de pivot, et permettent que s'opère dans la phrase l'opération imaginaire dont parle la phrase. Et en effet, quand le verbe central est par exemple glisser, et que Robert Desnos ose une grivoiserie en disant que Rose c'est la vie glisse la moelle de l'épée dans le poil de l'aimé, il opère en effet ce glissement au niveau des composantes du langage, puisqu'il a en effet glissé chacun des phonèmes qui composent la première expression dans la deuxième expression. Rose et la vie est celui qui, j'allais dire, produit en même temps qu'il illustre cette poétique de l'amour. Est-ce que Rose et la vie découvrira en Amérique le fleuve d'alcool où boivent les lamas colériques ? Étant donné qu'il a toujours vécu dans cette espèce de semi-rêve éveillé ou ce rêve endormi, enfin qu'il a toujours prospecté le domaine du rêve. Quand il a l'occasion de proposer une émission à la radio sur les rêves, et à la fois une émission qui fait participer le public, il n'y a pas mieux pour lui plaire. Il est 20h10 au poste parisien, mes chers auditeurs, voici la clé des songes. Oui, l'amour, le bonheur, cette nuit, sont venus te bercer dans ton lit. Écoute la clé des songes et pardonne les mensonges. Pardonne à l'instant, car demain il ne serait plus temps. Le principe de la parole à la radio pour lui, tel que Paul de Harme l'avait lancé. Paul de Harme était très proche des réflexions de Freud. Et ce que Desnos et de Harme voulaient toucher chez l'auditeur, c'est la capacité de rêver de l'auditeur à partir de ce qu'il entendait. Donc, susciter la réflexion ou la rêverie, le plaisir de l'écoute et la rêverie chez l'auditeur. Les deux hippopotames se précipitèrent sur nous et, au moment où ils allaient nous écraser... Au secours ! Au secours ! Entrez là, vous serez à l'abri. Entrez là, mais entrez donc ! Il demande aux gens de leur écrire leurs rêves. Après, il va s'en servir pour soi mettre en onde certains des rêves les plus spectaculaires, pour interpréter d'autres rêves. Et puis, sa recherche à ce moment-là, c'est vraiment la recherche du rêve collectif. Est-ce que ça veut dire quelque chose à cette période-là, en particulier très lourde ? Il est juste en 38, donc avant la déclaration de la guerre, mais on sent déjà qu'on ne va pas y couper. Et il veut savoir si, et il découvre un petit peu qu'à travers toute la France, les gens ont peur de cette guerre et vont faire des rêves un petit peu en fonction de ça. Et à la fois, il refuse de catastropher la période et il essaie toujours de trouver les significations les plus positives pour essayer d'aider les gens et de les rassurer. Et lui-même n'a pas envie de la guerre. Donc il y a une période à la fois où il est... très attentif au public, très attentif à ce qu'ils ont en tête à ce moment-là, et ils préfèrent en magnifier. Et c'est tout lui, de rassurer, de dire le meilleur, alors que le pire arrive. Ce rêve extravagant où elle nageait avec un chameau qui a des moustaches, et où elle s'envole dans les nuages, et où elle redescend en parachute dans un potiron. Chameau, signe d'endurance et de bonne santé. Voler, signe encore de prospérité. En somme, un très bon rêve, et un rêve drôle, ce qui n'est pas désagréable. Madame Mallet à Libourne qui rêve de la mer, une inconnue qui rêve de moutons, Madame Ridel à Longueuil qui rêve d'un naufrage, ont fait toutes trois des songes ayant la même signification. Inquiétude, provoqué par excès de sensibilité et espoir de voir dans peu de mois des événements heureux leur arriver. Quant à Mademoiselle Jacqueline, elle a purement et simplement rêvé de la fin du monde. Et je vous dis que je veille, et que j'ai abattu un homme d'Hitler. Il est mort dans la rue déserte. Au cœur de la ville impassible, j'ai vengé mes frères assassinés au fort de Romainville et au mont Valérien, dans les échos fugitifs et renaissants du monde, de la ville et des saisons. Et d'autres que moi veillent comme moi, et tu. Comme moi ils guettent les pas sonores dans les rues désertes, comme moi ils écoutent les rumeurs et les fracas de la terre. 39 arrive, 40, et puis après... Il faut continuer à vivre. Il n'y a plus la radio. Il n'a plus rien. Il n'a aucune ressource. Il va accepter de travailler au journal aujourd'hui. Et donc, assez vite, saisir qu'il y a des informations importantes qu'il peut entendre, puisqu'il fait partie du comité de lecture ou de rédaction. Ça, Desnos, ça fait du renseignement à ce moment-là. Il entre en relation avec André Verdet, qui, lui, est un poète, qui est, lui, dans l'action directe d'un autre réseau. Et Desnos va, avec Verdet, entrer fin 43 dans l'action directe. À ce moment-là, il a peut-être fait ce que certains suggéraient, tuer votre Allemand. L'a-t-il fait ? C'est dans le Veilleur du Pont au Change qu'il le dit. Ça reste discuté. C'est peut-être là qu'il a dépassé la limite de ce dont il était, je dirais, il n'était pas aguerri à ça. Il a foncé. Ayuki. Fleuha, 15 juillet 1944. Mon amour. Notre souffrance serait intolérable si nous ne pouvions la considérer comme une maladie passagère et sentimentale. Nos retrouvailles embelliront notre vie pour au moins 30 ans. De mon côté, je prends une bonne gorgée de jeunesse. Je reviendrai rempli d'amour et de force. Pendant le travail, un anniversaire, mon anniversaire, fut l'occasion d'une longue pensée pour toi. Cette lettre parviendra-t-elle à temps pour ton anniversaire? J'aurais voulu t'offrir 100 000 cigarettes blondes, 12 robes des grands couturiers, l'appartement de la rue de Seine, une automobile, la petite maison de la forêt de Compiègne, celle de Belle-Île et un petit bouquet à 4 sous. En mon absence, achète toujours les fleurs, je te les rembourserai. Le reste, je te le promets pour plus tard. Robert. Quand il est arrivé dans les camps, et la première fois c'était à Auschwitz, où ils ont été envoyés un petit peu par erreur, où on ne sait pas pourquoi ils sont passés par Auschwitz avant de retourner à Buchenwald. Mais voyant les horreurs qui s'y passaient, et voyant l'état du groupe qui était là, avec un copain, ils se sont dit, on est assez bon là-dedans, on va faire quelque chose, on va aller vers eux, on va leur dire des belles choses, on va prendre l'île de la main, on va interpréter les rêves, on va leur dire des belles choses. Toujours pour rassurer, pour s'occuper, pour donner un petit peu de rose dans ce noir. Et ce qui faisait beaucoup de bien aux compagnons de déportation. Il l'a fait partout après, aussi bien à Buchenwald, à Flossenbürg, où il est resté pas très longtemps, et à Floa. Jusqu'à ce que ses forces n'en puissent plus, il a eu cette démarche. C'est-à-dire qu'il a un sens du réel, là, très profond, et l'absence de la vie. Et c'est ça qui est, à travers son œuvre, toujours présent. Donc, jusqu'au bout, il sauve la vie, sa propre vie, la vie des autres, par le recours à l'imaginaire. Dans la nuit, il y a naturellement les 7 merveilles du monde, et la grandeur, et le tragique, et le charme. Les forêts s'y heurtent confusément avec des créatures de légende cachées dans les fourrés. Il y a toi. Dans la nuit passent les trains et les bateaux, et le mirage des pays où il fait jour, les derniers souffles du crépuscule et les premiers frissons de l'aube. Parfois, d'étranges figures naissent à l'instant du sommeil et disparaissent. Quand je ferme les yeux, des floraisons phosphorescentes apparaissent et se fanent et renaissent comme des feux d'artifice charnus. Des pays inconnus que je parcours en compagnie de créatures. Il y a toi, sans doute, ô belle et discrète espionne, et l'âme palpable de l'étendue. Robert Desnos, l'écriture sous hypnose. Avec Anne Eger, Marie-Claire Dumas, Marie-Paul Béranger et Carole Rouet. Lecture des poèmes de Robert Desnos, Sarah Chaumette, Denis Lavant et Jean-Louis Trintignant. Prise de son, Christophe Papon. Mixage, Manu Couturier. Archivina, Aude Vassan. Documentaliste, Antoine Vuilloz et Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Carvran. Merci à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anne Pérez. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter sur le divan, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram.